franceinter.com. C'est une grenade dégoupillée aux portes de l'Europe. Le conflit du Haut-Karabakh. Une enclave arménienne au sein de l'Azerbaïdjan. Un minuscule territoire, certes, et qui ne dispose pas de richesses particulières, mais qui se trouve au carrefour des principales routes du gaz et du pétrole vers l'Europe, et dans une région, le Caucase, qui est un véritable bouillon de culture nationaliste. On l'a vu en Tchétchénie, en Ingouchie, en Ossétie ou encore récemment en Géorgie. Une région aussi où les enjeux géostratégiques sont capitaux. Située au sud de la Russie, elle se trouve à mi-chemin entre l'Asie centrale et les Balkans. Autant dire que les grandes puissances veillent sur son destin. Enfin, c'est important, à une époque où on se sert de l'islam comme d'un épouvantail, l'enclave du Karabakh est peuplée majoritairement de chrétiens, alors que l'Azerbaïdjan est musulman et que certains voudraient bien y voir la présence d'Al-Qaïda. Le conflit est né tout juste avant la dislocation de l'Empire soviétique et il a ensuite donné lieu à une guerre très meurtrière jusqu'en 1994. Depuis, c'est la paix, mais une paix armée, car aucune solution politique n'ayant été trouvée, la guerre peut se réveiller d'un jour à l'autre et risquer de déstabiliser tout le Caucase. Monsieur X ouvre donc ce dossier brûlant et se demande en particulier qui a intérêt à perpétuer cet interminable conflit et cette curieuse guerre froide qui oppose l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux anciennes républiques soviétiques. Cerne spezii Le Haut-Karabakh est un territoire minuscule. Sa superficie est à peu près celle d'un département français et ses habitants sont moins de 200 000. En outre, son intérêt économique est à peu près nul. Oui, c'est une région montagneuse. Hein. Absolument. D'ailleurs, à l'époque soviétique, on l'appelait le Nagorno-Karabakh, c'est-à-dire le Karabakh montagneux. Et Karabakh, ça... Bon, c'est un mot d'origine perse ou turque qui signifie jardin noir. Ouais, le jardin noir montagneux. Donc. C'est ça. Ouais. Mais ce que je voulais avant tout vous dire, c'est que ce petit territoire a essentiellement une valeur symbolique, tant les Arméniens que les Azéris, mais surtout les Arméniens considèrent que le Karabakh est le berceau de leur peuple, un peu comme le Kosovo pour les Serbes. Par conséquent, une terre sacrée. Qui mérite tous les sacrifices. Et ça explique les déchirements actuels et aussi ceux du passé. Mais rassurez-vous, je ne vais pas remonter trop loin. Sachez simplement que le Haut-Karabakh a d'abord fait partie du royaume d'Arménie avant d'être conquis par l'Empire perse. Puis les Russes sont arrivés. Mais au fil des guerres, il y aura aussi une parenthèse britannique et une autre turque. Et bien sûr, à chaque fois, on assiste à des transferts de population. Oui, il reste quand même que le Karabakh est essentiellement peuplé d'Arméniens. C'est exact. Même si ces derniers y sont proportionnellement moins nombreux qu'autrefois. Après la Première Guerre mondiale, d'importants conflits opposent déjà Arméniens, Azéris et militaires turcs. On estime alors que ces violences font des milliers de morts. Et c'est sans doute aussi une conséquence du génocide arménien perpétré par les Turcs. Bien évidemment. Mais le réveil identitaire arménien date de la fin du XIXe siècle, où l'on a déjà observé des massacres d'Arméniens par la soldatesque turque. Et au Karabakh, alors? Ça a été relativement différent. En particulier à cause de son relief, le Karabakh, c'est aussi une sorte de citadelle naturelle. Il est donc resté à l'écart? Pour un temps, oui. En tout cas, on y a développé un sentiment identitaire arménien encore plus authentique. Une pure Arménie, en somme. C'est tout à fait ça, oui. Mais le Karabakh a ensuite connu son lot de violences. Dans son ancienne capitale, Chouchi, 30 000 Arméniens y ont été massacrés par les Azéris sans que les forces britanniques qui occupaient alors la région ne songent à intervenir. Mais ça s'explique facilement. Les Anglais se préoccupaient surtout des ressources pétrolières de l'Azerbaïdjan. Après avoir chassé les Turcs à l'issue de la Grande Guerre. Au même moment, il faut le souligner, les populations de l'Azerbaïdjan ont aussi pris conscience de leur appartenance au monde turcophone. Seule différence avec leurs frères anatoliens, les Azéris sont des musulmans chiites. Oui, comme les Perses, alors qu'ils les ont autrefois soumis. Oui, mais enfin, je vais vite là. En 1920, les bolcheviks conquièrent le Caucase. Et au sud, ils créent trois républiques soviétiques, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Et le Karabakh, alors? Staline, qui est alors le commissaire aux nationalités, en fait une région autonome rattachée à l'Azerbaïdjan, alors que cette enclave est peuplée à plus de 90% d'Arméniens. Mais alors pourquoi une décision aussi illogique? Apparemment, les dirigeants du Kremlin veulent faire une fleur à la Turquie de Mustafa Kemal, qui s'engage dans une voie progressiste et laïque. Et en attribuant le Haut-Karabakh à Bakou, ils pensent satisfaire Ankara. En tout cas, sous la férule soviétique, les Arméniens de Karabakh ne bronchent guère. On note pourtant que les autorités azéries favorisent l'installation des leurs dans l'enclave arménienne. Afin de minimiser le poids démographique des Arméniens? Évidemment. Et il n'y a pas de protestation? Si, mais elles se font sans violence ni action d'éclat. Toutefois, ça va changer à partir de 1987. Et ça coïncide avec deux faits nouveaux. Il y a d'abord la renaissance du sentiment identitaire arménien dans la diaspora. C'est l'époque, il ne faut pas l'oublier, où l'organisation terroriste arménienne, la Salah, s'en prend aux intérêts turcs un peu partout dans le monde. Oui, afin d'obtenir d'Ankara la reconnaissance du génocide. Et ce renouveau nationaliste n'est pas sans retentissement dans l'Arménie soviétique. Mais l'autre événement, c'est le changement politique en URSS. Oui, la perestroïka. Oui, et ce vent de liberté finit inévitablement par souffler aussi sur le Haut-Karabakh qui entend secouer le joug azéri et va réclamer de plus en plus ardemment son rattachement à la République d'Arménie. Et ça commence comment alors? Il y a d'abord la création par des intellectuels d'un comité Karabakh qui va trouver des soutiens jusqu'à Moscou. Sakharov, par exemple, se déclare en faveur du rattachement de l'enclave à la mère patrie. Mais très vite, on observe les premiers dérapages. Des groupes d'autodéfense arméniens se sont constitués et affrontent les armes à la main les forces armées azéries. Il y a forcément des morts de part et d'autre. Mais ce qui met vraiment le feu aux poudres, c'est un référendum officieux organisé par les députés du Haut-Karabakh. Un référendum pour le rattachement. Et sans surprise, la population du Karabakh se détermine en faveur du rattachement à l'Arménie. Mais la conséquence, c'est la montée en Azerbaïdjan d'une fièvre nationaliste sans précédent. On assiste alors, dans les cités azéries, à de véritables pogroms anti-arméniens. En réponse, les Arméniens se mobilisent et organisent de gigantesques manifestations à Erevan, tandis que de part et d'autre, on fuit. C'est-à-dire ? Eh bien, les Arméniens, installés en Azerbaïdjan, se réfugient dans la mère patrie et les Azéries, habitant en Arménie, font le chemin inverse. En tout cas, ça signifie que le glacis soviétique qui a pesé si longtemps sur la région n'a pas effacé les revendications identitaires. Hein. Et c'est la perestroïka qui les a réveillés et qui est indirectement responsable de la montée de ces violences nationalistes. Alors comment réagit Moscou ? Au Kremlin, on est très embarrassé parce que la contestation est aussi née au sein de l'appareil soviétique. Les députés du Haut-Karabakh qui ont organisé ce référendum sont des apparatchiks communistes. Et ce sont des membres du Soviet suprême d'Arménie qui vont officiellement demander le rattachement du Haut-Karabakh à leur république. D'accord, mais Gorbatchev ne peut tout de même pas accepter que se produisent de nouveaux pogroms. C'est exact. D'autant que ces événements dramatiques ont profondément choqué l'opinion soviétique. Alors, fin 1988, Gorbatchev se décide à sévir. Mais comment procède-t-il ? Ben, il envoie l'armée rouge à Bakou, où l'état d'urgence a été instauré. Mais en même temps, il a envoyé des troupes en Arménie et il a profité du terrible tremblement de terre de décembre 1988 pour faire arrêter les membres du comité Karabakh. Ça signifie donc que, tout en maintenant l'ordre militaire en Azerbaïdjan, il n'entendait pas céder aux revendications arméniennes. Oui, Gorbatchev, à l'évidence, ne voulait pas remettre en cause l'appartenance du Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. La meilleure preuve en est qu'il a destitué le principal dirigeant élu du territoire. Et à sa place, il a nommé une sorte de proconsul chargé de pacifier la situation, mais qui va surtout s'illustrer par son inefficacité. Il n'y avait donc là, enfin en tout cas, rien qui puisse apaiser les tensions entre les deux communautés. Et Bakou en a profité pour isoler le Haut-Karabakh et le soumettre à une occupation quasi-militaire. Mais pour Gorbi, il y avait encore plus préoccupant. La véritable crise qui a fini par faire imploser l'URSS a sans doute commencé au Haut-Karabakh, dans ce territoire minuscule et presque inconnu. Expliquez-moi là. La révolte identitaire des Arméniens du Karabakh n'a pas tardé à donner des idées à d'autres populations qui vivaient sous la tutelle soviétique, à commencer par les Baltes. Ah oui, alors c'était le début de la fin. Avec une conséquence dramatique pour le Haut-Karabakh. En 1991, après l'Arménie, l'Azerbaïdjan, profitant du chaos en URSS qui a suivi le coup d'État anti-Gorbatchev du mois d'août, a proclamé unilatéralement son indépendance. Et l'une des premières décisions des dirigeants en place à Bakou a été de mettre fin à l'autonomie du Haut-Karabakh. À partir de là, la guerre était inévitable. Rendez-vous avec X. La dernière analyse de M. X rejoint celle de François Tual, à l'époque directeur adjoint de l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Et il écrit ceci dans son ouvrage « La crise du Haut-Karabakh ». Le deuxième motif d'intérêt de la crise arméno-azérie née autour du Haut-Karabakh est d'avoir été un des facteurs fondamentaux à l'origine de la disparition de l'URSS. Bien avant la volonté d'émancipation des pays baltes, l'incapacité et la myopie de Moscou face aux revendications arméniennes ont déclenché une secousse qui a ébranlé l'ensemble des régions du Caucase pour se propager ensuite à l'Union soviétique. La crise qui s'est formée dans les années 1987, 88 et 89 en Azerbaïdjan a entraîné en peu de temps la chute de l'immense empire soviétique par une sorte de septicémie identitaire qui a atteint les différents peuples et les nations de l'Union soviétique. Petite cause, grands effets. Ainsi pourrait-on traduire en soviétique contemporain les conséquences de cette crise surgie à la périphérie méridionale de l'URSS. Ce n'est pas la crise du Karabakh en elle-même qui a anéanti la patrie du socialisme, mais on peut toutefois affirmer que sans cette crise et l'expansion des nationalismes qu'elle a suscité, l'URSS existerait peut-être encore. Le livre de Toile a été édité en 2003 par les Presses universitaires de France. Ici, il faut tout de suite observer que les autorités arméniennes d'Erevan ont fait preuve d'une grande prudence. C'est-à-dire ? En décembre 1991, le Soviet suprême du Haut-Karabakh, composé majoritairement d'Arméniens, proclame à son tour son indépendance. Mais à Erevan, on se garde de reconnaître cette nouvelle entité. Pourtant, on aurait pu s'attendre, au contraire, à une éclatante manifestation de solidarité. Eh bien non, non, non. À Erevan, on demeure prudent. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas se lancer dans une guerre ouverte avec l'Azerbaïdjan ? Oui, c'est ce que je crois. Et on sera ainsi tout au long de l'interminable et sanglant conflit qui va s'ouvrir. Il ne s'agira jamais d'une guerre entre Erevan et Bakou, mais d'une guerre entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Mais attendez, ce pourrait être aussi une fiction. Parce que j'imagine que les Arméniens d'Erevan ne peuvent pas laisser tomber leurs frères du Karabakh. Et c'est une hypothèse qui a été évoquée par certains spécialistes qui ont mis en évidence une certaine duplicité arménienne. Mais officiellement, en tout cas, l'Arménie n'a jamais fait la guerre à l'Azerbaïdjan. Alors, bon, cette guerre, justement-là, quelle forme prend-elle ? Au début, ce sont des combats de rue. Et du côté karabakhtsi, on se bat avec les armes qu'on trouve, surtout des vieilles pétoires. Mais rapidement, les dépôts d'armes des troupes russes sont pillés et les combattants s'équiperont à bon compte. On assistera également à la création, par la nombreuse diaspora arménienne établie au Liban, d'une filière d'approvisionnement en armes, des équipements qui sont généralement fournis par les milices chrétiennes. Et les combattants, qui sont-ils ? Ils sont d'abord recrutés dans la population locale et sont constitués en groupes d'autodéfense. Mais bientôt, ces fedaïs, comme on les appelle, sont rejoints par des volontaires en provenance d'Arménie et même de la diaspora. Et ces soldats improvisés, souvent très jeunes, vont se montrer redoutablement pugnaces. Et de l'autre côté, alors ? Les Azéris disposent d'un appareil d'État et de forces officielles héritées de l'ère soviétique. Et ils font donc appel aux troupes du ministère de l'Intérieur, les fameux Omon. Mais là aussi, des volontaires se mobilisent. En outre, dans les deux camps, on va voir arriver des combattants russes qui sont la plupart du temps des mercenaires. Mais quand commence la vraie guerre, si j'ose dire ? On peut situer le signal de départ à la fin décembre 1991. La veille de Noël, les troupes soviétiques, qui sont désormais les troupes de la nouvelle CEI... La CEI, vous rappelez, c'est la communauté des États indépendants qui a succédé à l'URSS. Et à laquelle, d'ailleurs, les républiques arméniennes et azéries finiront par adhérer. Donc, ces troupes annoncent qu'elles vont évacuer le Haut-Karabakh. Dès le lendemain, des centaines de militants arméniens occupent les postes militaires et s'emparent à l'occasion d'importants stocks d'armes. Et la guerre commence aussitôt. Mais c'est à la fin du printemps 92 qu'elle prendra une nouvelle dimension. Pour quelle raison, alors ? Fin mai, Moscou a procédé à un partage de ses matériels militaires positionnés au Caucase. Ceux de la 4e armée sont attribués à l'Azerbaïdjan, tandis que les équipements de la 7e armée sont affectés aux Arméniens. Ça signifie que des deux côtés, on va désormais disposer d'armements lourds, canons, blindés et même avions. Parce que les équipements arméniens vont servir aux combattants du Haut-Karabakh ? Naturellement. C'est la fiction qui continue. Officiellement, Erevan a beau proclamer que l'Arménie n'est pas partie prenante dans le conflit et qu'elle se contente d'apporter une aide humanitaire au Haut-Karabakh, ça ne fait guère illusion. Quand son aviation décolle pour contrer les raids aériens azéris, cela témoigne d'un véritable engagement dans cette guerre. Mais c'est en quelque sorte une guerre non déclarée. Exactement. L'Arménie, tout en affirmant qu'elle n'a aucune revendication territoriale sur le Haut-Karabakh, est amenée de fait à intervenir de plus en plus dans le conflit. Et on verra même des unités de l'armée arménienne combattre les Azéris. Mais alors pourquoi cette prudence parfaitement hypocrite ? À Erevan, les dirigeants de la jeune République arménienne ont pris conscience du fait qu'ils ne sont pas en mesure d'affronter véritablement l'Azerbaïdjan. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont pas les moyens. C'est ça. La situation économique est désastreuse et mener une vraie guerre imposerait des sacrifices financiers qu'ils ne veulent ou ne peuvent pas consentir. En outre, le blocus décidé par l'Azerbaïdjan a contribué à isoler un peu plus l'Arménie. Et puis, il y a eu ce catastrophique tremblement de terre de 1988 dont le pays mettra longtemps à se remettre. Mmh. Les Arméniens se contentent donc de faire une guerre par procuration. Bah, ça y ressemble. Et toujours afin de démontrer leur bonne foi, les dirigeants arméniens refusent de reconnaître la nouvelle république du Haut-Karabakh et affirment seulement soutenir le droit à l'autodétermination des populations de l'enclave. Ouais. Bizarre, oui. Et du côté azéri, alors, on a les moyens de faire la guerre ? Bakou, il ne faut pas l'oublier, dispose d'une considérable rente pétrolière. Les deux camps sont donc inégaux. Est-ce que ça se traduit sur le terrain ? Eh bien non. En dépit de leur infériorité numérique et de leurs insuffisances en matériel lourd, les combattants arméniens du Haut-Karabakh mènent la vie dure aux troupes azéries. Et ils font mieux que résister. Dans la première moitié de l'année 1992, ils remportent même d'incontestables succès. En février, ils se sont par exemple emparés de la ville de Khojaly, proche de la capitale, Stepanakert. Une victoire militaire qui est malheureusement entachée de massacres de centaines de civils. Mais les exactions de part et d'autre seront le lot de cette sale guerre où s'affrontent des factions nationalistes fanatisées. D'autres succès militaires ? Oui, les fédaïs arméniens parviennent à desserrer l'encerclement azéri et s'emparent des positions qui permettaient à l'ennemi de bombarder le Karabakh. C'est ainsi qu'après une lutte acharnée et un long combat de rue, ils parviennent à conquérir l'ancienne capitale, Chouchi. Autre succès notable, en triomphant à Latchin, ils ouvrent un couloir communiquant avec la mère patrie. Une voie qui va leur permettre d'être ravitaillés par la route, donc. Et c'est capital. Quoi qu'il en soit, ces premières défaites des Azéris se traduisent par un putsch à Bakou. Les dirigeants sont balayés et le nouvel homme fort du pays, Etchibaï, va lancer une grande offensive en juin 1992. Une offensive victorieuse ? Oui. L'armée azérie conquiert au nord 30% de la superficie de l'enclave et 30 000 Arméniens doivent fuir et se réfugier à Stepanakert. Toutefois, les Azéris échouent à couper le corridor de Latchin. Cependant, il est vrai que ces coups de boutoir ont affaibli le camp arménien. Et comment réagit-on à l'étranger ? Est-ce qu'on essaie de mettre fin à cette guerre ? Les premiers concernés devraient être les Russes, puisque la guerre sévit dans une république qui a vocation d'adhérer à la CEI et qu'un autre État appartenant à cette même entité, l'Arménie, est fortement impliqué. Mais il faut bien dire que Moscou, qui a par ailleurs contribué à envenimer le conflit en cédant ses équipements militaires et donc en armant indirectement les belligérants, ne brille guère par son action en faveur de la paix. Mais on le verra tout à l'heure, ce n'est peut-être pas tout à fait innocent. Toutefois, une instance internationale, à laquelle ont d'ailleurs adhéré les républiques de la CEI, va essayer de s'entremettre. Quelle instance, hein ? L'OSCE, c'est-à-dire l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Elle crée en son sein une mission de paix, le groupe de Minsk, qui rassemble des représentants de plusieurs nations, dont la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie ou encore la Russie. Donc Moscou ne reste pas tout à fait inerte ? Pas tout à fait, non. Ce groupe de Minsk tente par conséquent une médiation. Il a même envisagé l'envoi de troupes d'interposition, des soldats de l'OTAN. Ce que ne peut accepter Moscou, là. Bien l'OTAN. Oui, et c'est l'échec. Tandis que sur le terrain, la guerre reprend de plus belle. Et qui prend l'avantage ? Ce sont à nouveau les Arméniens qui marquent des points. À Stepanakert aussi, on a assisté à un changement d'homme. Et le président de la République d'Arménie, Léon Ter Petrosyan, a réussi à imposer l'un de ses proches à la tête du Haut-Karabakh. Ce qui prouve à nouveau l'implication d'Erevan. Évidemment. Ce nouveau dirigeant, Robert Khodcharian, conduit la guerre avec opiniâtreté et, sous sa direction, les troupes du Karabakh bousculent les Azéris, reconquièrent le terrain perdu et réussissent même à s'emparer de vastes territoires azéris. Au-delà de l'enclave. Et au cours de l'automne 92, les Karabakhis atteignent même la frontière iranienne en poussant devant eux des dizaines de milliers de réfugiés azéris dont ils ont systématiquement incendié les villages. Une victoire à double tranchant. Car pour l'opinion internationale, les Arméniens apparaissent désormais comme des agresseurs, tandis que grandit l'inquiétude des voisins turcs et iraniens. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une parenthèse et un constat. La petite Arménie et le minuscule au Karabakh n'auraient certainement pas résisté avec autant de pugnacité sans le soutien de la diaspora. En témoigne que cet extrait d'un ouvrage de Gaïds Minassian, Caucase du Sud, la nouvelle guerre froide. Que serait devenue l'Arménie sans la diaspora ? A lancé le ministre des Affaires étrangères arménien Vartan Oskanian à des hommes d'affaires américains d'origine arménienne lors d'une rencontre à Washington en mars 2006. Aujourd'hui, aucun observateur avisé ne parle de l'Arménie sans évoquer la contribution de sa diaspora au redressement économique du pays, à la question de la reconnaissance du génocide et à la défense du Haut-Karabakh. L'unité de l'Arménie avec la diaspora, ajoutait le chef de la diplomatie arménienne, est la source de notre puissance. Constitutive du génocide de 1915, la diaspora arménienne s'est implantée dans près de 50 États, dont quelques bastions, Liban, Syrie et Iran, au Proche-Orient, France et Grèce dans l'Union européenne, États-Unis et Canada en Amérique, Russie dans la CEI, Argentine et Australie dans l'hémisphère sud et, dans une autre mesure, Turquie et Géorgie. La diaspora représente près de 4 millions de personnes sur 7 millions d'Arméniens dans le monde. L'ouvrage de Minassian a été édité par Autrement en 2007. Vous avez évoqué l'inquiétude des voisins de l'Arménie. Et ça s'explique très bien. La Turquie, dont la frontière est rigoureusement fermée, se sent directement concernée par les déboires azéris. Une solidarité entre turcophones. Même plus, car la Turquie, sans vouloir ressusciter l'Empire ottoman, considère que l'Azerbaïdjan doit faire partie de sa zone d'influence. Quant à l'Iran, il ne peut que se méfier. Et à Téhéran, on est surtout très embarrassé. Pourquoi alors ? L'Iran, qui abrite aussi des azéris, redoute que ses habitants ne demandent leur rattachement à la mère patrie. D'autre part, Téhéran craint que l'influence turque sur le Caucase ne se renforce. Par conséquent, l'Iran serait plutôt favorable à l'Arménie. Mais en même temps, les ayatollahs ne peuvent pas se désolidariser des chiites azéris. Oui, donc ce conflit du Haut-Karabakh empoisonne les voisins de l'Arménie. Mais revenons à la guerre. Les revers azéris ont pour conséquence un nouveau changement de pouvoir à Bakou. Et paradoxalement, c'est l'ancien homme fort de la période soviétique, Gheida Aliyev, qui revient au premier rang. Et ça change quoi ? Aliyev prouve d'emblée son attachement à Moscou et annonce l'adhésion de son pays à la CEI, une inféodation qui lui permet d'acheter d'importantes quantités d'armes en Russie. C'est pas tout à fait désintéressé. Ouais. En même temps, Aliyev recrute à tout va des mercenaires issus de l'ex-URSS, mais aussi des Afghans appartenant au clan du redoutable Gulbuddin Ekmatyar. Ouais, seigneur de la guerre fondamentaliste. Oui, qui sera très proche des talibans. Ouais. On le voit maintenant, d'ailleurs. Aliyev fait donc appel à la solidarité islamique. Et ça laissera des traces jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, alors ? Eh bien, en Occident, on soupçonne l'Azerbaïdjan d'avoir des sympathies, et même un peu plus, pour l'islamisme le plus radical. Et donc d'être peut-être impliqué dans le terrorisme international. Mmh. Autre question, là. Les mercenaires, les armes, ça coûte cher. Alors, comment Bakou paye-t-il ? Le pétrole, bien sûr. Aliyev vend des droits de forage à des compagnies pétrolières qui, en retour, embauchent des instructeurs militaires. C'est en particulier le cas de la Mega Oil, une société états-unienne. Est-ce que ces renforts militaires se traduisent par des succès sur le terrain ? Les forces assyries lancent de grandes offensives, un peu à la manière iranienne. Oui, par vagues humaines. C'est ça. Des milliers de combattants tombent, mais les Arméniens résistent et ne concèdent que des miettes de terrain. D'ailleurs, la lassitude commence à gagner les deux camps. Et finalement, un cessez-le-feu est signé à Moscou en mai 1994. Fin du conflit ? Oui, mais rien n'est réglé. Et ça ne l'est toujours pas. On va en reparler. En tout cas, le bilan de cette guerre régionale est effroyable. 20 000 morts, 50 000 blessés et 1 million de réfugiés, soit 10% de la population de l'enclave arménienne. Et sur le plan territorial, hein ? Les Arméniens du Haut-Karabakh sont incontestablement les vainqueurs car ils ont ajouté 9000 km² à leur petite enclave. Ils ont donc largement débordé du Haut-Karabakh. Et ces acquisitions compliquent la situation car Bakou ne peut se satisfaire du statu quo. Sans compter que l'Azerbaïdjan n'a toujours pas accepté l'indépendance du territoire. Mais remarquez, assez étrangement, il en est de même pour l'Arménie qui n'a toujours pas reconnu sa petite sœur. Et au fil des ans, même s'il faut tenir compte de la fiction entretenue au début par les deux entités, un certain fossé s'est creusé entre elles. Un fossé, mais aussi une vive compétition. Mais pourquoi, là ? Les Karabatsis, qui ont cultivé un certain sentiment de supériorité, n'ont cessé de se mêler de la politique arménienne. Ils sont même devenus un État dans l'État et auréolés de leurs valeurs militaires, ils sont parvenus à phagocyter les partis politiques et l'armée arménienne. Leur chef des années de guerre est ainsi devenu président de la République arménienne. Au fond, alors, il existe désormais deux Arménies. Mais la plus petite, le Karabakh, n'est reconnue par aucun autre État. Aux yeux de l'ONU, par exemple, le Haut-Karabakh est toujours partie prenante de l'Azerbaïdjan. Et puisque je vous parlais de ce fossé qui s'est creusé, les Arméniens du Haut-Karabakh sont aujourd'hui moins nombreux à réclamer un rattachement pur et simple à la République d'Arménie. Ils veulent rester autonomes. Et presque obligatoirement, ils sont beaucoup plus intransigeants que leurs frères d'Erevan. Oui, par rapport aux autorités azéries. Bien entendu. Ils refusent toute concession, alors qu'il se trouve des dirigeants à Erevan qui ne seraient pas forcément hostiles à un compromis. Et il y a sans doute là l'explication d'un mystérieux drame qui s'est produit en octobre 1999 au Parlement d'Erevan. De quoi voulez-vous parler, là ? De l'éruption d'un commando armé qui a froidement abattu 8 personnalités politiques en pleine séance, dont le Premier ministre Vasken Sarkissian, que d'aucuns soupçonnaient de vouloir signer la paix avec l'Azerbaïdjan. Et ça aurait été ça, le mobile de ces assassinats ? Très vraisemblablement. Mais l'affaire n'a jamais été vraiment éclaircie. Et les assassins courent encore. En tout cas, plus de 10 ans après cette tragédie, la paix attend toujours. Pourtant, j'imagine qu'il y a eu plusieurs tentatives de mettre fin au conflit, non ? C'est évident, mais il faut dire que les Arméniens ont toujours placé la barre très haut. Ils posent des conditions donc, qui ne sont pas acceptables par Bakou, mais lesquelles plus précisément ? Premièrement, et quelles que soient les propositions visant à accorder l'autonomie au Karabakh, il refuse catégoriquement que l'enclave revienne sous administration azérie. D'autre part, avant de signer un texte, ils exigent des garanties de sécurité pour le Haut-Karabakh. Enfin, ils n'accepteront aucun compromis si le territoire ne dispose plus de liens organiques avec la République d'Arménie. Oui. Autant dire tout de suite que Bakou ne pourra jamais agréer ces principes qui nient son intégrité territoriale. Bakou, qui ne reconnaissant pas l'autorité des dirigeants du Haut-Karabakh, refuse de discuter avec eux. Oui. La normalisation me semble donc très mal engagée. malgré les tentatives de médiation du groupe de Minsk, malgré les rencontres bilatérales entre dirigeants azéris et arméniens. On a même noté ici et là des incidents sporadiques et une aggravation de la situation. En mars 2008, par exemple, un bref conflit a opposé les gardes-frontières sur la ligne de cessez-le-feu et on a compté au moins 10 morts. C'est donc dire que la situation demeure extrêmement tendue. Oui, et c'est à une sorte de guerre froide qu'on assiste là-bas. Et chacun redoute une déflagration qui ne pourrait qu'engendrer le chaos dans tout le Caucase. Car au-delà même de cette question du Haut-Karabakh, il se livre dans cette région une guerre économique qui n'est pas moins intense que celle qui a opposé les Arméniens aux Azéris. À cause du pétrole. Et du gaz. Toutes ces richesses énergétiques qui proviennent de l'Asie centrale et de la mer Gaspienne et qui doivent, pour être exploitées, transiter par oléoduc ou gazoduc dans ces zones sensibles où la guerre peut reprendre à tout moment. Mais cette âpre compétition économique oppose qui à qui ? La Russie aux États-Unis. Et vous le savez bien, c'est l'une des explications de la guerre de 2008 qui a vu les troupes russes combattre l'armée géorgienne, fondamentalement. Et c'est l'une des données permanentes de la politique de Moscou. Les Russes veulent rester les maîtres dans cette région, leurs étrangers proches, comme ils disent. Or, les Américains ne cessent de leur tailler des croupières. En Géorgie, d'abord. Oui. C'est exact. Et le Kremlin, qui a ressenti avec irritation cette immixtion américaine dans son précaré, a réagi avec sa brutalité coutumière. Oui, mais non, l'affaire, ce sont les Géorgiens qui ont payé le prix fort. Hein. Parce qu'on leur a fait croire à tort qu'ils étaient placés sous un parapluie états-unien. Et il n'en était rien. Et l'Amérique de George Bush n'a pas levé le petit doigt pour les soutenir. Oui. Mais je passe, car nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. Autre souci important pour les Russes, les oléoducs et gazoducs, il existe déjà depuis 2005 le BTC, c'est-à-dire l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Séan, qui permet d'acheminer le pétrole de la Caspienne jusqu'en Méditerranée. Sans passer par la Russie. Et c'est là le hic. Car avec la construction de ce nouveau tuyau, Moscou a non seulement perdu des droits de péage, mais aussi une partie de son influence sur l'Azerbaïdjan. Or, il existe de nombreux autres projets, des gazoducs surtout, qui tous contourne la Russie. Et ça énerve Moscou. Ah bah forcément. Et à mon avis, c'est l'une des clés de cette affaire du Haut-Karabakh. Le Kremlin, contrairement à ses proclamations officielles, n'a en rien renoncé à ses ambitions dans le Caucase du Sud. Mais pour les réaliser un jour ou l'autre, il a besoin non seulement de contenir l'influence américaine, mais surtout de maintenir l'instabilité qui y règne. L'instabilité. Mmh. Et donc tout faire pour éviter que la peine s'y installe. Ah, c'est la vérité. Et le Kremlin se sert de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie comme de marionnettes qu'il manipule à son gré. Et dans cette partie de poker menteur, Moscou rejoint Téhéran, qui redoute que les États-Unis, usant de leur influence grandissante dans la région, n'installent des bases militaires. Des bases proches de ses frontières. Oui. Et au fond, la seule lueur d'espoir qui a percé ces derniers temps dans la région est le rapprochement entre ces deux ennemis intimes, l'Arménie et la Turquie. Mais un rapprochement qui n'est pas dénué d'arrière-pensée. Car là encore, c'est peut-être Moscou qui est installé dans la cabine de pilotage. Une dernière citation qui conforte le propos de M. X. Il s'agit d'un extrait d'une analyse de l'Institut des relations internationales et stratégiques publiée en avril 2009. Depuis un an, la Russie a phagocyté la diplomatie de l'Arménie. Moscou veut ouvrir l'Arménie sur la Turquie pour affaiblir le corridor géorgien. La Russie veut contenir le nationalisme arménien et empêcher toute reconnaissance du génocide par Washington, dont le geste pourrait séduire la société arménienne et déplacer le curseur du Caucase du Sud vers les États-Unis. Sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission, obtenir des renseignements tant musicographiques que bibliographiques. À samedi prochain, donc, Michel Billou, Valérie Ayestaraï, Ilinka Negulesco, Rebecca Denante et Monsieur Djoub m'ont aidé à préparer cette émission. Et tout de suite après le flash, on est écolo. C'est au de mon amour de Denis Chessou.